j'ai l'envie, préfigure mes facettes. Avide et sans vie, je suis la figure de la sève. J'essuie le drame et mon désastre, à la sueur de mes toiles, à la lueur des astres, de l'âme et des étoiles. Solitude est ma crypte, mon instruction, une habitude de destruction, la trame de mon script. Autrui me crispe et les nuits me sollicitent. J'ai construit mon apocalypse, tous mes ennuis sont illicites. Mes épîtres exhument cent fois mes frustrations. Mes chapitres à moi se résument en illustrations. La plume est mon domaine et le bougeoir se cristallise. L'enclume dans l'abdomen, mes nageoires se dévitalisent. Et les vagues se brisent sur mes récifs d'hérésie. Pensif dans mes récits, je divague dans la brise. Dans une chaleur polaire, au gré des crises. À l'heure où la colère et tous les regrets me grisent. Ancré dans mon miroir, un œil retranscrit mes recueils, mes manuscrits. Mon encrier dans un tiroir et j'ai crié mes ratures. En deuil un soir, j'ai fait briller ma stature, allégorie du désespoir. Ma catégorie, celle des exclus, des damnés, des reclus, des condamnés, non inclus dans l'euphorie. Noyé par les marasmes, désolé sans boussole, j'ai broyé mes fantasmes, isolé dans le sous-sol. A mis le lieu sous les artères, là où c'est qui c'est l'esprit. Au milieu étalé par terre, des écrits en guise de crier. On décrit dans ces couplets nos attitudes et nos satires. Une multitude de blés, une solitude qui s'attire. A mis le lieu sous les artères, là où c'est qui c'est l'esprit. Au milieu étalé par terre, des écrits en guise de crier. Pas des partir, mais on prie, courir et l'étaler. Partir incompris, le sourire sans étaler. Souverain de mon navire, s'il coule c'est sans appel au secours. Mon avenir, vu comme un coup de surin, mon avis. Rien ne sert de courir la corde au cou, je vomis sur tout ce que je vois venir. Je parle de mon propre chef et c'est le seul que j'approuve. Le sang dans mes veines et la peur au ventre, voilà ce qui me rapproche de vous. Sans amour ni haine, ma porte n'est ouverte qu'au dégoût que j'éprouve. Vous me trouverez dans mes lettres à la dimension de l'autre. Tout comme sa hauteur, ma conscience est traître. J'ai cru être des vôtres, au-delà du paraître, la tête couverte de votre or. Je reste pauvre, j'ai laissé passer le présent à l'écart. Traîner ma carcasse sous le regard des passants. Si impatient qu'on me remarque à chaque pas marqué à leur égard, j'en devenais transparent. Réfugié du sous-sol, j'ai tout fait là-haut. J'ai souffert vos sourires à fermer à l'étau. À trop forcer le respect, la fierté me fait défaut. L'amour propre en vache maigre parce que ma douleur est douce et franche et que l'honneur se monnaie. La souffrance m'est plus chère qu'un bonheur bon marché. Je devine ce qu'on raconte, mais je ne suis pas à plaindre. Ma vie est quelconque, mais je ne cherche pas à plaire. J'emmerde vos sciences et morales, j'ai trouvé mes repères tout seul. Mon son est viscéral, il émane du sous-sol. A mis le lieu sous les artères, là où c'est qui c'est l'esprit. Au milieu étalé par terre, des écrits en guise de crier. On décrit dans ces couplets nos attitudes et nos satires. Une multitude de blés, une solitude qui s'attire. A mis le lieu sous les artères, là où c'est qui c'est l'esprit. Au milieu étalé par terre, des écrits en guise de crier. Pas des martyrs, mais on prie. Courir et l'étaler, partir incompris, le sourire sans l'étaler.